C'est quand j'ai eu 16 ans que le gouvernement égyptien a décidé que les étrangers devaient se faire faire des cartes d'identité, enfin des cartes de séjour, quoi. Mais j'avais 16 ans, donc c'était en 47. Donc c'est après la guerre. Et alors c'était une pagaille, un foutoir pour arriver à avoir ses papiers. Moi je sais que j'ai fait tous ceux de la famille, parce que comme je parlais bien l'arabe, que je suis brune, etc., bon, on me faisait passer. Puis en plus je disais au gars, si vous voulez, je vais vous aider à trier. Comme tu sais lire l'arabe, ouais, bon, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai fait faire les cartes d'identité, mais autrement on n'avait pas de papiers. La première fois on s'est fait faire des papiers donc en Égypte, c'était donc en 47, et c'est... Ah, même en... Oui, ça devait être à peu près la même époque où on s'est fait faire un passeport provisoire yougoslave. Avant, on n'avait pas de papier. On vivait sans papier. Tout le monde vivait sans papier, sans problème. Depuis toujours, nous sommes des Égyptiens, des Juifs égyptiens. Vous aviez la nationalité, donc Malheureusement, non. Mon père se considérait tellement égyptien que je... Il n'a jamais voulu avoir une nationalité égyptienne. Il travaillait au ministère de l'Intérieur. Il se disait, mais je suis égyptien. Et quand il est mort, ma mère a voulu nous donner une nationalité. Et ils ne nous l'ont pas donnée. Ah, vous n'avez donc jamais eu une nationalité? Non, ils ne nous l'ont jamais donnée. Heureusement qu'elle a pu reprendre sa nationalité française, qui vient des arrière-grands-parents. Et elle a pu la reprendre. Parce qu'il n'était pas égyptien, elle a pu la reprendre. S'il avait été égyptien, elle n'aurait pas pu la reprendre. D'accord, donc les arrière-grands-parents, il y en avait un qui venait au moins d'ailleurs, quoi. Non, mais c'est sûrement qu'il a épousé quelqu'un qui était d'Algérie. Oui, c'est ça. Et oui. Que quand il a eu la loi Crémieux, mm-hmm. il a été fait français. Mm-hmm. Mais c'est comme ça. Mm-hmm. Je crois que c'est par la loi Crémieux. D'accord, mais... Réalité, Moi, étant donné que mon père était marocain, j'avais prouvé qu'on était d'origine, mon père était d'origine marocaine, et nous avions la nationalité française à l'époque, enfin, avec passeport français, mais mention marocain, nationalité marocaine, mais toujours passeport français. Et du fait que nous avions le passeport français, nous étions considérés comme des Français, et nous avons été expulsés avec tous les Français. Et tout ce qui était dans le même cas que ça, des Algériens qui étaient vraiment français. Et c'est comme ça que nous avons été expulsés, parce que nous avions des passeports français. On devait... Ceux qui avaient détenu des papiers français devaient déclarer au commissariat de leur quartier. Devaient se déclarer au commissariat. Et c'est ce qu'on avait fait. Mm-hmm. Nous étions obligés de déclarer avant. C'est par la suite, alors que... Un officier était venu à minuit et frappait à la porte chez nous pour nous présenter un papier d'expulsion. Nationalité française comme égyptien parce que né en Égypte ou comme vous avez dit tout à l'heure de pas passage. Pas la nationalité égyptienne. Oui. Mais aux étrangers qui sont blancs, d'accord. Tout ça, ne donnait pas la nationalité égyptienne. Mais tu l'as jamais demandé. Tu ne l'as jamais. Même j'ai demandé, ils te la donnent pas. C'est vrai. Ils te laissent traîner des années, ils la donnent pas. Ils la donnent pas. On est apatride. Mais nous avions la possibilité, nous avions le passeport français parce que mon père était de Maroc. Et le Maroc était français à l'époque. Mm-hmm. Et voilà, mais il ne donnait pas de la nationalité égyptienne. Non, on pouvait rester comme ça sans la nationalité. Si on voulait partir à l'étranger, on vous donnait laissez passer pour partir. Pour faire un voyage à l'étranger, venir en Europe et tout ça. Mais ne donnez pas de nationalité égyptienne. Quand tu as été blanc. D'abord. Oui. Alors pour vous, avant qu'on soit grec, que la nationalité grecque, que la nationalité égyptienne, la nationalité italienne, ou bien la nationalité autre chose, autrichienne ou allemande, tout différent. Mais ceux qui n'ont pas de nationalité, ceux qui sont nés en Égypte, qui n'ont pas de nationalité, alors ils sont. Ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça. Ils sont heureux. Ils sont heureux sur la solidarité. Mais nous étions très fiers d'avoir le septième français. Les Français, très bien au mieux que ça. Oui, de cas. De catégorie, de cas. Mais Beaucoup ont dit, moi je sens un peu ça, du moment que tous les Juifs sont partis, je ne me sens plus chez moi dans ce pays. C'est plus mon pays. Parce que mon pays, c'était que, d'une certaine façon les Juifs d'Égypte. Voilà. Quand on allait à la synagogue, on était chez nous, mais c'était une synagogue judéo-égyptienne. Ça a compté quand il y a eu... Ça a commencé à compter à partir de 52-53. À partir de 52-53, quand on commençait à dire à ceux qui n'ont pas de nationalité d'aller à la préfecture et de faire une carte de séjour. C'est normal. C'est normal. Je trouve